Ce soir, dans le cadre de cette édition du Undead Incorporated Show Réanimation, je consacrerai près de 40 minutes au suppôt du diable. Je recevrai effectivement 5 membres représentant 5 groupes adulateurs de Satan. Hein? Quoi? Que tu dis à Ras qu'ils viendront pas? Ah oh ben là, c'est pas mal poche. Moi, du monde qui se décommande la dernière minute, là. Pouah! Voilà, je suis sans mots. Bon, bien, on va devoir faire avec. Donc, faute de recevoir les suppôts de Satan, nous ferons tourner leur musique avec un spécial Destroyer 666 et un bloc consacré au black metal. Comme vous le voyez, c'est pratiquement impossible de déstabiliser votre bon docteur. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin qui trouvera toujours une façon de procéder ou qui a toujours un plan B, si vous préférez. Surtout lorsque vous réveillerez après une intervention et que vous lui direz, « Docteur, mais qu'avez-vous fait? Vous deviez m'amputer le pied droit et vous avez coupé le gauche. » Et qu'il vous répondra, « Pas de problème, mon ami. Il en reste encore un à couper. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. On va vous égaliser ça en criant « Ciseaux! » Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, « Cause fear is my fucking business. » We are Undead Incorporated, 'cause I, Pendragon, said so. Go.

Eh bien non, mes invités qui étaient prévus, soit cinq représentants de cinq divers groupes d'adorateurs du diable, ne se sont pas présentés. Horace m'en a informé lors de de cette présentation d'émission. Brûle pour point comme ça, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai une certaine idée. Possiblement que c'était pas vrai. Mais quoi qu'il en soit, on va quand même faire une incursion dans ce qui sont les formations qui interprètent, qui chantent le diable comme ça. Je parle de formation black metal, bien entendu, dans quelques instants. Et aussi ce spécial Destroyer 666 qui nous attend un peu plus tard dans l'émission. Pardon. Ce qu'on vient d'entendre avant la pause publicitaire, c'est la formation suédoise Entomb AD et leur deuxième parution au studio complète, soit Dead Down, qui est paru le 26 février dernier sous étiquette Century Media. Bon, l'air est encore pourri ici, je commence à manquer de voix. Et l'excellente pièce Down to Mars to Ride, c'est vraiment une très bonne pièce. Bon, c'est un bon album aussi, généralement parlant. Juste avant, nous avions un grand classique des Suisses de Celtic Frost et la pièce Fainted Eyes que l'on retrouve sur le légendaire et extraordinaire album To Megatherion qui est paru en 85 sous étiquette Noise Recordings. Et nous avions juste auparavant une autre très bonne formation qui cette fois-ci vient d'Italie. Donc, si j'en déduis qu'elle est d'Italie, elle doit être italienne. Baphomet's Blood, formation que j'ai découvert, je dirais, il y a quelques semaines à peine. Une formation qui donne dans un vraiment là une mixture très old school de speed metal, heavy speed metal, typiquement des années 80, mais c'est une formation actuelle puisque cet album est paru en 2016 sur Iron Bombhead, soit In Satan We Trust, et voilà, et encore on trouve le nom du malin ici, et l'excellente Underground Demons. D'ailleurs, j'avais dit lors de la présentation de cet album, In Satan We Trust, de Baphomet's Blood, que je m'efforcerais à découvrir d'autres choses qu'ils ont fait. C'était relativement ardu parce que c'était distribué en très petite quantité, mais j'ai réussi à trouver un autre album qui j'ai écouté que très brièvement et qui me semblait être tout aussi intéressant. Et nous avons ouvert avec une autre formation suisse, c'est-à-dire Coroner, bien entendu, et la pièce The Favorite Game, qui est tirée de leur dernière disparition studio, oui, d'une certaine façon, en 95, soit l'album homonyme Coroner, puisqu'il comportait d'une... En fait, il était qualifié de compilation. Moi, je suis pas vraiment convaincu de ça. Peut-être des compilations avec des inédites seraient peut-être plus à propos. Quoi qu'il en soit, il y a de sacrées bonnes choses sur cet album Coroner. Et bon, j'espère toujours, étant donné qu'ils se sont reformés il y a peut-être 2 ou 3 ans, là, pour principalement les spectacles, qu'ils vont nous ressortir du matériel studio. C'est à suivre. J'aurai une chronique cinéma et télévision pour vous ce soir qui est correcte. Ouais, sans plus, mais oui, correct, oui. Chronique musicale aussi qui, elle, est assez correcte aussi dans l'ensemble. Bon, je suis assez flatliner finalement ce soir. Mais on va y aller tout de suite avec ce spécial black metal, chose que je fais tourner assez peu régulièrement à réanimation pour des raisons que je n'aurais même plus besoin d'évoquer. Qui sont que je n'aime pas ça? Hein? Généralement parlant, je n'aime pas le black metal, mais il y a certaines choses qui me plaisent quand même, voire si elles ne me plaisent pas, que je supporte. Donc, évidemment, vous aurez compris que dans les 4 choix que je vais vous présenter ce soir, ce sont des choses que je fais plus que supporter, qui à l'occasion me sont douces à l'oreille. On va entendre entre autres Marduk, formation suédoise, les Norvégiens, les Mortals, d'autres Norvégiens, soit le Demo Borgir, mais tout de suite, allons-y avec la formation britannique de Cradle of Filth. La pièce d'ouverture de cet album de 2004 qui avait été, ma foi, relativement bien appréciée et reçue de la part des amateurs, Amphetamine, avec une ouverture en force. On se retrouve tout à l'heure, vous êtes des réanimations. Go! It's a waste of good suffering. Transylvania immediately. faut que je m'en remette. Non, c'est pas si bien que ça. Alors, on vient d'entendre la formation Marduk, formation suédoise, et la pièce Between the Wolfpack, qui est tirée de leur 11e album, French Vine, qui est paru en 2015 sur Century Media. Marduk est pas mal mon groupe préféré au niveau du black metal, parce que je trouve que ça défonce pas mal. Juste avant, nous avons Immortal, que j'aime bien aussi, une formation norvégienne, et la pièce Hearts of War, qui est tirée du 8e album All Shall Fall, qui est paru en 2009 sur Nuclear Blast. Nous avions Dimmu Borgir, notre formation norvégienne, et l'excellente The Serpentine Offering, qui est tirée de Insorted Diaboli, le 8e album de cette formation, paru en 2007 sur Nuclear Blast. Font pas grand-chose, eux autres, Dimmu Borgir, depuis un certain temps. On a sorti un album après ça, si je ne m'abuse. Je crois que c'était seulement un qui était Abracadabra, quelque chose du genre. J'avais trouvé correct, mais moins bon qu'une sortie de Diaboli, bien entendu. Et on a ouvert avec Cradle Filth et ce Danny Filth qu'on pourrait souvent comparer à un Chihuahua. Pièce qui porte le titre de Gilded Count, qui est tirée de Nymphetamine, le 6e album paru en 2004. Mais je dois dire que j'ai déjà aimé pas mal Cradle of Filth. Aujourd'hui, je trouve qu'ils sont un peu beaucoup redondants. J'aime moins ça, mais à l'occasion, réécouter des albums plus vieux de, je dirais, d'une dizaine, douzaine d'années, peut-être plus même, ça peut être intéressant à l'occasion. Bref, c'est un bloc black metal, puis ça m'a pas fait si mal que ça aux oreilles de vous le diffuser. Côté musique, il y a des trucs qui sont assez intéressants. Il y en a d'autres qui sont moins, par contre. Je parle du dernier album de la formation We Black Heavy, Dark Throne, notre formation norvégienne, et l'album Arctic Thunder, qui est disponible sur Peaceville Records en format CD et vinyle. C'est un duo. Faut savoir que c'est un duo, Dark Throne, qui sont passés par le death metal, le black metal, maintenant qui donnent dans, justement, le black heavy speed metal. Bon, j'imagine qu'il y a juste les fous qui changent pas d'idée. C'est probablement pour ça que je change rarement d'idée. Quoi qu'il en soit, c'est un 17e album pour cette formation-là. C'est pas rien, là, on s'entend. Mais une présentation graphique qui est vraiment à l'une des plus lamentable pochette que j'ai vu. C'est vraiment, vraiment pas beau. Tout autant que leur logo, d'ailleurs. C'est relativement intéressant parce que je me suis rebuté à écouter quelque chose dont la production n'est pas très bonne. Et je suis assez sévère critique au niveau des productions. Et celle-là, ça garoche pas du tout, là. C'est très, je dirais pas médiocre, mais c'est très timide comme production, voilà. Il y a quelques pièces qui sont correctes, là, fort correctes, mais l'ensemble de l'album m'a paru un peu décevant, finalement. Donc, j'ai pas tellement passé de temps à justifier ma chronique à ce niveau-là. Autre truc, par contre, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, que je me propose de vous faire découvrir la semaine prochaine, c'est une formation du Danemark qui s'appelle Prevail, une formation qui donne dans un dead groove metal. C'est leur premier album, War Will Reign, qui est paru de façon indépendante, qui est disponible en CD actuellement depuis très peu. Et ça vaut vraiment la peine de prendre le temps d'écouter la formation Prevail, parce que c'est vraiment wow. En ce qui me concerne, c'est très wow. Un excellent vocal, death qui growl, mais juste comme il faut. Musicalement, c'est très punché. L'ensemble des pièces sont très accrocheuses. J'ai trouvé que ça avait à peu près tout pour plaire, cet album-là, pour les amateurs dans le segment death metal, tendance groove. Prevail, War, Will Reign, c'est un album qui est absolument à découvrir. Et bien entendu, un truc qui va sortir ce vendredi, soit le 28 octobre, autant en format CD qu'en format vinyle, c'est les Américains de Testament, bien sûr, qui reviennent avec leur trash metal, Chuck Billy et sa horde, qui nous donne un deuxième album studio. qui porte le nom de Brotherhood of the Snake. Et justement, à cet effet, la semaine prochaine, je me propose de l'explorer plus de façon à plus approfondie, plus profonde. mais je vous propose une pièce ce soir qui est la pièce actuellement disponible pour la promotion, qui est la pièce titre de cet album Brotherhood of the Snake. Voici Testament. Let's go. Fier partenaire. partenaire de la radio CIFU 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose des visites de brasserie pour seulement 5 $. Tu es curieux de savoir comment ça brasse? Pour savoir où ça brasse et comment ça se brasse, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. Viens découvrir le campus de l'XTR lors de la journée porte ouverte le samedi 5 novembre de 11h à 16h. Profite-en pour rencontrer les professeurs, déposer ta demande d'admission et assister à des conférences. Pour plus de détails, uqtr.ca/porte-ouverte au pluriel. Pour ceux qui n'ont pas compris, l'émission s'appelle Assemblage requis. Du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30, en direct à partir de 7h30. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. 89. h 01 minute, vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation des Undead Incorporated Show avec votre bon docteur. C'est moi ça, Dr. Pain Pendragon. Je suis avec vous jusqu'à 21h, métalliquement parlant. Ben voilà, c'était une première incursion dans ce nouvel album à venir, The Testament, Brotherhood of the Snake, la pièce titre, bien entendu, qui paraîtra ce vendredi. Il s'agira de leur 12e album studio complet. Je sais pas ce que vous en avez pensé. J'aurais aimé garder mon impression pour la semaine prochaine, lors de cette présentation plus officielle, si on veut, de l'album. Il va être difficile de le faire parce que le Rockmaster, vendredi, il y aura Classic Odyssey qui en présenterait, lui aussi, évidemment, puisqu'il sort le vendredi. Donc, je vais lui damer le pion. Ben, moi, personnellement, j'ai trouvé que l'album... Brotherhood of the Snake n'était pas aussi bon que Dark Roots of Earth, qui était le précédent, qui m'a paru être un des excellents albums studio de Testament. Mais je lui enlève pas ses qualités. C'est-à-dire que il y a de bonnes pièces. Ils sont arrivés avec peut-être un genre de composition un peu plus saccadé. En fait, on alterne entre ce qui est saccadé au niveau du rythme, du tempo, et des pièces qui sont plus traditionnelles au niveau du thrash, au niveau du justement de la vitesse, du tempo, si on veut. J'ai trouvé que c'était bien. Je ne suis pas prêt à dire que c'est l'album qui m'a fait justement crier la même chose que Prevail tout à l'heure. Wow! Mais je pense que c'est un bon album. Il y a une très bonne qualité d'enregistrement. La présentation graphique est tout à fait correcte. Ça se défend bien. Écoutez, je vais arrêter ça là parce que je vais sûrement en reparler avec Alain ce vendredi. J'en ai déjà dit pas mal. Je vous en parlerai peut-être avec d'autres impressions qui seront des écoutes subséquentes mardi prochain. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez apprécié. Bon, ceci étant dit, passons aux choses qui sont un peu plus grasses. Comme le gras de lard, entre autres. C'est très gras, ça. C'est très bon pour la santé. Le spécial que je vous ai concocté aujourd'hui, c'est la formation australienne. Veux-tu te taire, toi, fatiguant? Ça se peut-tu? Bon. Formation australienne, Destroyer 666, formation que j'aime beaucoup, dont le dernier album, Wildfire, m'a plu énormément et qui, à ce jour, est toujours mon album numéro 1 de l'année 2016. Formation qui existe depuis 1994 et ils n'en sont qu'à leur 5e album studio. Bon, il y a quelques hippies à travers ça, là, on s'entend. Il y en a 3, il y a une petite compilation, 2-3 singles et un démo en 94. Ben, c'est pas ce que je pourrais qualifier de très productif comme formation, on s'entend. Et ça, il y a pas eu de temps de pause ou d'arrêt au niveau de ces quasi 23 dernières années-là. Bon, J'imagine que Destroyer 666 préfère peut-être plus tourner et faire les spectacles que d'être en studio. J'en ai aucune idée. Mais quoi qu'il en soit, formation qui a 5 albums. Je vais vous présenter une pièce extraite de chacun de ces albums. Et ils sont 4 dans la formation. KK Warslot à la basse jusqu'en 2003. Vocal et guitare. Par la suite, Parasite, qui est à la batterie depuis 2012, RC, qui est à la guitare et au vocal, à la guitare depuis 2012 et au vocal depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, et Felipe Plaza Kutzbach, qui est à la basse et le vocal de 2015 jusqu'à aujourd'hui. Fait que vous comprendrez qu'il ne reste que Keke Warslot, qui est un des membres fondateurs de la formation depuis le début, soit 94. Mais ça, je m'en fous pas mal. Parce que de toute façon, j'ai trouvé quelque chose de bon dans chacun de leurs albums. Et je vous propose justement d'aller tirer une pièce du premier album qui s'appelle Unchain the Wolves. On va aller en écouter une qui est Phoenix Rising, de Cold Steel for an Iron Age, de l'album Defiance et de Wildfire, bien entendu. Donc, voici un petit spécial Destroyer 666 pour le plus grand plaisir de vos oreilles qui sont probablement, j'en doute pas, très chastes. Go! Oh, Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Vous êtes assez fou. Pierre, partenaire de la radio CIFOU 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose des visites de brasserie pour seulement 5 $. Tu es curieux de savoir comment ça se brasse? Pour savoir où ça brasse et comment ça se brasse, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Vous êtes geek et vous vous assumez? Le Mathieu Planchot aussi. Retrouvez la chronique télévisuelle Television Television, le blog Science et Technologie Merci Science, le segment Geek CNX, C'est un fait Tech Edition et d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Planchot avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. C'est fou! 20h28, vous êtes toujours à l'écoute de C'est fou 89.1 FM et qui plus est, réanimation The Undead Incorporated Show. Avec moi-même, moi-même et moi-même, votre humble serviteur, le Dr. Payne Pendragon. Et jusqu'à 21h, bien entendu. On vient d'entendre, avant cette pause publicitaire, ce petit spécial Destroyer 666, cette formation australienne qui en est aujourd'hui à sa quasi 23e année d'existence. Avec malheureusement que 5 albums à son actif. Extrait du dernier album paru le 28 février dernier, la pièce titre Wildfire sous étiquette Season of Mist. C'est vraiment un excellent album. Ben, mon humble avis, pas si humble que ça finalement. J'ai du goût, moi, bon. Juste avant, nous avions une pièce tirée de l'album de 2009, Defiance, qui est paru le 15 juin 2009, bien entendu. I'm Not the Sea étant le titre de cette pièce. Juste avant, Clench Fist, tiré de l'album de 2002. Cold Steel for an Iron Age, qui est paru en juin. Nous avions Phoenix Rising, pièce titre de ce même album, paru le 1er janvier 2000. Et nous avons ouvert avec Satan's Hammer, tiré de Unchain the Wolves, qui est paru en 1997. C'était leur premier album sur Modern Invasion Music. Côté cinéma et série télé, eh bien, je peux vous dire d'ores et déjà que la semaine dernière, je vous disais que je vous entretiendrais possiblement de la deuxième série de Fear the Walking Dead, une série d'horreur, de zombies, thriller, qui est de Dave Erickson et Robert Kirkman, une série propulsée par AMC. Oui, je vais vous en parler, mais pas pour les mêmes raisons que j'aurais cru. Parce qu'honnêtement, après 2 épisodes, j'ai été fort découragé de voir où on nous amenait, c'est-à-dire à peu près nulle part, où c'était à peu près n'importe quoi. Les acteurs étaient vraiment, honnêtement, tapés sur les nerfs. Déjà que la première saison, qui ne comportait, c'était vraiment une mini-série de 6 épisodes. Je me rappelle que ma conjointe et moi, on avait eu de la misère à s'adapter. Il avait fallu au moins 3 épisodes, peut-être voire 4, avant de dire que, ouais, il y a un certain intérêt. C'était relativement pénible, mais ici, je pense que c'est carrément pénible. Donc, j'ai tout simplement mis Fear the Walking Dead saison 2 de côté, du moins pour l'instant. Sait-on jamais, peut-être que d'ici quelques semaines ou quelques mois, je déciderai de lui laisser une deuxième chance, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Autre truc que j'ai vu, The Infiltrator, qui est un film à tendance criminelle. C'est un trailer qui met en vedette c'est un acteur qui a été fortement redécouvert. Je parle de Bryan Cranston. Et ça raconte l'histoire de l'agent fédéral Bob Mazur, qui est un infiltrateur, bien entendu, et qui doit infiltrer le cartel de la drogue de Pablo Escobar. Pour ceux qui ont vu récemment, ou peut-être encore actuellement, la série Narcos, c'est tout à fait d'actualité. C'est un bon film, parce que, on s'entend qu'il doit interpréter plusieurs rôles. En fait, c'est une grande pièce de théâtre qu'il doit déployer devant lui pour ne pas être découvert, avec énormément de tromperies. Il doit vivre dans le mensonge constamment. Et c'est très, très, très risqué comme boulot. On s'entendra que être infiltrateur dans un cartel tel que celui de Medellín, celui de Pablo Escobar, en Colombie, c'est pas de la tarte. Bref, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a embêté aussi Diane Kruger et John Leguizamo. C'est de Brad Furman. The Infiltrator, c'est un film qui est fort intéressant, qui, je dirais, est très peu... C'est pas un film qui a une présentation très commerciale, je dois dire. Je ne crois pas que ça le fait un très gros hit au box-office, justement parce que c'était pas un film à grand déploiement, c'était pas un film d'effets spéciaux, c'était un film qui est profondément, focusé sur la psychologie des personnages et l'interaction qu'ils ont entre eux. Bref, moi j'ai beaucoup aimé The Infiltrator, je le recommande pour ceux qui ont une certaine ouverture d'esprit ou qui ont minimalement un peu d'intelligence pour le comprendre, bien sûr. Autre film qui, cette fois-ci, je dirais, a été correct, mais avec réflexion, c'est Mississippi Grind, qui met en vedette le bon Ryan Reynolds. C'est un bon acteur, Ryan Reynolds. Et c'est un drame qui raconte l'histoire de Curtis, qui est un jeune homme dans la trentaine, qui est un très, très bon joueur. Et je parle bien sûr de jeux de hasard dans les casinos et autres, qui réussit à tirer son épingle du jeu de façon pas toujours très honnête, mais qui a une certaine réputation de bon joueur et qui voit arriver sur son chemin un certain Jerry, qui lui est un joueur compulsif avec énormément de problèmes. Il est incontrôlable, il se doit la peau des fesses un peu partout, il a perdu sa famille à cause de cela. Et finalement, il dit, je vais te prendre sous mon aide, je vais te donner un coup de main, puis on va t'aider à te refaire. Mais ça va de mal en pis, et finalement, les problèmes de Jerry deviennent des problèmes de Curtis. C'est un film qui est très lent, c'est un film qui a énormément peu d'action, c'est un film qui est très psychologique, mais en même temps, à la fin du visionnement du film, je me suis rendu compte que j'avais quand même assez apprécié Mississippi Grind, parce que c'est un film qui est très, très vrai. Ce genre de film ne s'adresse peut-être pas aux gens qui ont certains de ces problèmes, soit de jeu, parce que c'est par moments assez déprimant. Mais quoi qu'il en soit, c'est une réalisation assez intéressante qui est de Anna Bolden et Ryan Fleck, soit Mississippi Grind. Voilà. Nous allons continuer musicalement cette fois-ci avec un bon vieux bloc. Je dis vieux, c'est pas si vieux que ça. Avec un bon vieux bloc, oui, de death metal, avec des trucs fort intéressants. On va entendre la formation italienne Aid et une pièce extraite de leur dernier album, Cartago d'Alanda, qui est paru le 15 juillet dernier. Vraiment très bon. On va entendre la formation allemande Math et une pièce tirée de As We Create Hope From Above, qui est paru en 2014. Hour of Penance, une autre formation italienne que j'aime énormément, qui est assez dans le défonce, merci. Tiré de Paradogma, c'est leur quatrième paru en 2010. Mais tout de suite, on va débuter avec une formation américaine qui est très emblématique dans le death metal. Il s'agit de Deicide, une pièce tirée de leur dernier album In the Minds of Evil, paru en 2013. Soit la pièce Between the Flesh and the Void. Et tiens, je la dédie à ma conjointe qui m'écoute actuellement. Parce que oui, le docteur a une conjointe, ça doit être une sainte, je présume, comme je l'ai dit souvent. Et qui m'écoute actuellement avec notre nouvelle petite compagnonne, la chatte Salem. C'est pour vous, go! 20h49. L'émission tire à sa fin. On vient d'entendre à l'instant la formation Mott, formation allemande, et la pièce Enchose, qui est tirée de leur premier album As We Create Hope From Above, qui part en 2014 sur Oral Attack Production. Juste avant, nous avions la très bonne formation italienne Hour of Penance et Malevolence of Righteous, qui est tiré de Paradogma. C'était leur quatrième album paru en 2010 sur Unique Leader. Et nous avons ouvert ce bloc avec une pièce que je dédiais à ma tendre moitié, entre autres à notre nouvelle petite minette Salem, qui fait ses premiers pas dans la maison, soit Between the Flesh and the Void, qui est tiré de In the Minds of Evil. C'est un excellent album de Deicide, paru en 2013. C'était leur 11e. Juste avant de se quitter avec une dernière pièce, je vous rappelle que ce vendredi, dès 11h, ici même, à Cifou 89.1 FM, c'est l'émission Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock, dont le Rockmaster et moi sommes. Donc, nous vous proposons cette semaine le traditionnel 3 pour 1. C'est-à-dire que tout au long de l'émission, on va vous passer trois fois la même pièce puis trois fois le même groupe. C'est assez clair puis c'est assez simple, hein? Ben non, c'est pas vrai! On a des blocs qui vont être de trois pièces, effectivement, mais par un seul et même artiste, mais évidemment pas sur les mêmes albums. Il y aura aussi les chroniques traditionnelles qui sont soit les éphémérides, la capsule ça passe ou ça, le segment ça passe ou ça casse, les beaux programmes d'antan, et bien sûr la chronique qu'il me fait grand plaisir d'animer de semaine en semaine, la faune et les amateurs de rock. Donc une émission qui n'est certainement pas traditionnelle, parce que on s'éclate énormément à rock classique. On dit toutes sortes de choses qui sont pas toujours très intelligentes, mais on a quand même beaucoup de plaisir à le faire. C'est de 11h à 17h tous les vendredis sur CIFU 89.1 FM. Et aussi, bien entendu, si vous êtes amateur de métal, parce que je suppose que si vous m'écoutez actuellement, c'est que vous l'êtes, je vous propose aussi d'aller écouter mon ami DJ Tower of Death pour son émission Subversion à tous les vendredis dès 18h30 sur les ondes Underground Québec. Vous pouvez aussi réécouter les podcasts ou balado-diffusion, si vous préférez, en bon français, sur SoundCloud. Et aussi, si vous êtes intéressé à entendre des élucubrations de mon ancien assistant, ce bizarre ouïe des pestilentiels puant de gobelins qui est Sinistros, je vous invite à aller voir son blog qui est le hurlemort.com pour ses chroniques musicales, ses chroniques aussi télévision et cinématographiques qui sont, ma foi, parfois quelque peu ridicule, je dois dire, mais c'est à l'effigie de Sinistros, donc il est totalement fidèle à lui-même. It's a joke, Sinistros. You're my man. OK, on va se quitter avec une dernière pièce, mais avant, je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est la dernière émission du mois, ce qui veut dire que c'est la présentation d'albums marquants. Et ce mois-ci, je l'adresse à Voivod et leur premier album War and Pain, qui est paru en 1984. J'aurai aussi la présentation de la formation Prevail, dont je vous ai parlé un peu plus tôt en émission, formation de Dead Groove Metal, et l'album War Will Reign, qui vient de paraître, je dirais à l'instant, c'est pas vrai, mais il y a très peu de temps. Et aussi, on va faire une incursion un petit peu plus profonde dans le nouvel album de Testament, Brotherhood of the Snake. Donc ça encore, c'est une émission qui ne sera pas manquée, bien entendu, pour les vrais amateurs de vrai metal, plagiat. Je vous laisse avec une dernière pièce qui est la formation Aid, une autre formation italienne, et leur troisième parution qui est parue en juillet dernier, soit le 15, Cartago de l'Andarest. Formation Aid qui donne dans un death metal la connotation, j'aime pas le terme folklorique, mais ils utilisent vraiment des instruments qui étaient très utilisés à l'époque de la Rome antique. Je suis pas prêt à dire que c'est ceux d'époque, là. Mais bref, ça donne une dimension qui est très intéressante. C'est très brutal, Aid. C'est très original comme death metal. C'est très intense. Donc, je vous laisse avec une dernière pièce qui porte le nom de Hannibalem. Et restez à l'écoute, parce que dans quelques minutes, sur les ondes de Cifou, ici, vous allez avoir la présentation de l'émission Matière Noire. Je sais pas cette semaine s'ils vont être une douzaine ou deux. J'en ai aucune idée. Mais bref, ils vont être là. Donc, d'ici là, à la semaine prochaine, et bien entendu, allez tous vous faire foutre. See you! Shame on the big guy boy. To get a lot of back.